cas, le dernier mec avec qui j'ai couché, n'a pas eu l'air de dire la même chose que toi, bien au contraire. Donc, tu me fais tellement rire, c'est trop drôle. Moi, une étoile de mer qui fait rien, oh là. C'est pas ce qu'on dit, tu me reproches, moi, de m'envoyer en l'air, là, mais moi, je suis plus avec toi, en fait. Je t'ai jamais trompé, tu vois, pendant qu'on était ensemble. Et pourtant, si j'avais été une salope, dis, tu sais très bien que je me faisais draguer de tous les côtés, j'aurais très bien pu. Or, j'ai jamais fait. Non, mais t'avais raison, de toute façon, c'est de la merde. Et de ton côté, puisqu'on n'existe plus l'un pour l'autre, en quoi ça te gêne finalement si je me tape la planète entière là dans 2 mois, qu'est-ce que t'en as à foutre? Mon attitude, mais putain, moi je suis plus avec toi, ok? Je suis plus avec toi. Non, mais moi ma vie sexuelle elle te regarde nullement. Tu sais, je m'en fous en fait. Je sais pas, je te mentais pas, j'étais honnête avec toi. T'es un sketch, je t'ai mis. Mais t'es un putain de sketch, franchement, ça n'existait pas, faudrait t'inventer. Au moins pour ta méchance, c'était gratuit, c'est trop drôle. Bon, quand je demanderai. El Señor Tony, le gars qui va juger vos capacités sexuelles. Alors, ma petite, tu me feras une fellation en 50 minutes, et bien entendu. Et tu ne devras jamais faire de bruit parce que normalement la bite ça passe comme dans du beurre. Je sais pas, j'ai vu des mecs qui étaient quand même beaucoup plus branchés par le fait de demander à la fille tiens, qu'est-ce que t'aimes, j'ai envie de te faire du bien, tu vois, ce genre de choses quoi. Donc voilà. Cela étant, moi je trouvais quand même cool avec toi. Même si t'étais pas forcément porté en premier lieu sur le plaisir de la nana, je trouve que c'était quand même bien, elle a une certaine vigueur et tout. Franchement, moi j'aimais bien. Je préfère baiser avec des mecs qui aiment vraiment baiser avec moi en fait et qui me rendent bien. T'as vu, il était tellement amoureux et tellement peur. Adieu Tony, courage pour la suite.